Chapitre 92e, Les cheveux de la reine. Le roi tenait encore Mademoiselle de Tavernay par la main en arrivant sous le palier, et en arrivant à cette place seulement, il la salua si courtoisement, si longuement, que Richelieu eut le temps de voir le salut, d'en admirer la grâce, et de se demander à quelle heureuse mortelle il avait été adressé. Son ignorance ne dura pas longtemps. Louis XV prit le bras de la dauphine, qui avait tout vu et qui avait déjà parfaitement reconnu André. « Ma fille, lui dit-il, je viens sans façon vous demander à souper. J'ai traversé tout le parc et en chemin. Rencontrant Mademoiselle de Tavernay, je l'ai priée de me faire compagnie. »« Mademoiselle de Tavernay, murmura Richelieu, presque étourdi de ce coup imprévu. Par ma foi, j'ai trop de bonheur. » En sorte que non seulement je ne gronderai pas mademoiselle, qui était en retard, répondit gracieusement la dauphine, mais que je la remercierai de nous avoir amené votre majesté. André, rouge comme une de ces belles cerises qui garnissent le surtout au milieu des fleurs, s'inclina sans répondre. Diable, diable, elle est belle, en effet, se dit Richelieu, et ce vieux drôle de Tavernay n'en disait pas plus sur elle qu'elle n'en mérite. Déjà le roi était à table, après avoir reçu le salut de Monsieur le Dauphin. Doué comme son aïeul d'un appétit complaisant, le monarque fit honneur au service improvisé que le maître d'hôtel plaça devant lui comme par enchantement. Cependant, tout en mangeant, le roi, qui tournait le dos à la porte, semblait chercher quelque chose ou plutôt quelqu'un. En effet, Mademoiselle de Tavernay, qui ne jouissait d'aucun privilège, sa position n'étant pas encore bien fixée auprès de Madame la Dauphine, Mademoiselle de Tavernay, disons-nous, n'était point entrée dans la salle à manger, et après sa profonde révérence en réponse à celle du roi, elle était entrée dans la chambre de Madame la Dauphine, qui deux ou trois fois déjà lui avait fait faire la lecture après s'être mise au lit. Madame la Dauphine comprit que c'était sa belle compagne de route que cherchait le regard du roi. « Monsieur de Coigny, dit-elle à un jeune officier des gardes placé derrière le roi, faites donc entrer, je vous prie, Mademoiselle de Tavernay. Avec la permission de Madame de Noailles, nous dérogerons ce soir à l'étiquette. » Monsieur de Coigny sortit, et un instant après introduisit André, qui ne comprenant rien à cette succession de faveurs inaccoutumées, entra toute tremblante. « Mettez-vous là, mademoiselle, dit la dauphine, près de Madame la Duchesse. » André monta timidement le gradin. Elle était si troublée qu'elle eut l'audace de s'asseoir à un pied seulement de la dame d'honneur. Aussi reçut-elle un coup d'œil si foudroyant de celle-ci que la pauvre enfant, comme si elle eût été mise en contact avec une bouteille de laide rudement chargée, recula de 4 pieds au moins. Le roi Louis XV la regardait et souriait. « Ah ça, mais se dit le duc de Richelieu, ce n'est presque pas la peine que je m'en mêle, et voilà des choses qui marchent toutes seules. » Le roi se retourna alors et aperçut le maréchal, tout préparé à soutenir ce regard. « Bonjour, monsieur le duc, dit Louis XV. « Faites-vous bon ménage avec Madame la Duchesse de Noailles ?»« Sire, répliqua le maréchal, Madame la Duchesse me fait toujours l'honneur de me maltraiter comme un étourdi. »« Est-ce que vous êtes allé aussi sur la route de Chanteloup, vous, duc ?»« Moi, sire ?»« Ma foi, non. Je suis trop heureux pour cela des bontés de votre majesté pour ma maison. » Le roi ne s'attendait pas à ce coup. Il se préparait en aller au-devant de lui. « Qu'est-ce que j'ai donc fait, duc ?»« Sire. » « Votre Majesté a donné le commandement de ses chevaux légers à Monsieur le Duc d'Aiguillon. »« Oui, c'est vrai, Duc. Et pour cela, il fallait toute l'énergie, toute l'habileté de Votre Majesté. C'est presque un coup d'État. » On était à la fin du repas. Le roi attendit un moment et se leva de table. La conversation eut pu l'embarrasser, mais Richelieu était décidé à ne pas lâcher sa proie. Aussi, lorsque le roi se mit à causer avec Madame de Noailles, la Dauphine et Mademoiselle de Tavernay, Richelieu manœuvra-t-il si savamment qu'il se trouva en pleine conversation, conversation qu'il avait dirigée selon son gré. « Sire, dit-il, votre majesté sait que les succès enhardissent. Est-ce pour nous dire que vous êtes hardi, duc ? C'est pour demander à votre majesté une nouvelle grâce, après celle que le roi daignait me faire. Un de mes bons amis, un ancien serviteur de votre majesté, a son fils dans les gendarmes. Le jeune homme est plein de mérite, mais pauvre. » Il a reçu d'une auguste princesse un brevet de capitaine, mais il lui manque la compagnie. « La princesse est ma fille ?» demanda le roi en se retournant vers la dauphine. « Oui, sire, dit Richelieu, et le père de ce jeune homme s'appelle le baron de Tavernay. »« Mon père !» s'écria involontairement André. « Philippe !»« C'est pour Philippe, monsieur le duc, que vous demandez une compagnie ? Puis, honteuse de cet oubli de l'étiquette, André fit un pas en arrière, rougissante et les mains jointes. Le roi se retourna pour admirer la rougeur, l'émotion de la belle enfant. Il remit aussi à Richelieu avec un regard de bienveillance qui apprit au courtisan combien sa demande était agréable à cause de l'occasion qu'elle fournissait. « En effet, dit la dauphine, ce jeune homme est charmant, et j'avais pris l'engagement de faire sa fortune. Que les princes sont malheureux, Dieu, quand ils leur donnent la bonne volonté, leur ôte la mémoire ou le raisonnement. Ne devais-je pas penser que ce jeune homme était pauvre, que ce n'était pas assez de lui donner l'épaulette et qu'il fallait encore lui donner la compagnie ? Eh, madame, comment votre Altesse l'eût-elle su ? Oh, je le savais, répliqua vivement la dauphine avec un geste qui rappela au souvenir d'André la maison si nue, si modeste et pourtant si heureuse à son enfance. Oui, je le savais, et j'ai cru avoir tout fait, en donnant un grade à M. Philippe de Tavernay. Il s'appelle Philippe, n'est-ce pas, mademoiselle ? Oui, madame. Le roi regarda toutes ces physionomies si nobles, si ouvertes, puis l'arrêta les yeux sur celle de Richelieu, qui s'illuminait aussi d'un reflet de générosité qu'il empruntait sans doute à son auguste voisine. « Ah, duc, dit-il à mi-voix, je vais me brouiller avec Lucienne. » Puis vivement, à André. « Dites que cela vous ferait plaisir, mademoiselle, ajouta-t-il. « Ah, sire, fit André en joignant les mains, je vous en supplie. « Accordez alors, dit Louis XV. « Vous choisirez une bonne compagnie à ce pauvre jeune homme, duc, et j'en ferai les fonds si déjà elle n'est toute payée et toute vacante. » Cette bonne action réjouit tous les assistants. Elle valut au roi un céleste sourire d'André. Elle valut à Richelieu un remerciement de cette belle bouche, à qui, dans sa jeunesse, il eût demandé plus encore, ambitieux et avare comme il était. Quelques visiteurs arrivèrent successivement. Parmi eux, le cardinal de Rohan, qui, depuis l'installation de la dauphine à Trianon, faisait assidûment sa cour. Mais le roi, pendant toute la soirée, n'eut de bons égards et d'agréables paroles que pour Richelieu. Il se fit même accompagner de lui lorsqu'il prit congé de la dauphine pour retourner à son Trianon. Le vieux maréchal suivit le roi avec des tressaillements de joie. Tandis que sa majesté regagnait avec le duc et ses deux officiers les allées sombres qui aboutissent au palais, André avait été congédié par la dauphine. « Vous avez besoin d'écrire cette bonne nouvelle à Paris, avait dit la princesse. « Vous pouvez vous retirer, mademoiselle. » Et précédée d'un valet de pied qui portait une lanterne, la jeune fille traversait l'esplanade de 100 pas qui séparait Trianon des communs. Devant elle aussi, de buisson en buisson, bondissait dans les feuillages une ombre qui suivait chaque mouvement de la jeune fille avec des yeux étincelants. C'était Gilbert. Lorsqu'André fut arrivé au perron et qu'elle commença à monter les marches de pierre, le valet retourna aux antichambres de Trianon. Alors Gilbert, se glissant à son tour dans le vestibule, arriva au cours des écuries et par un petit escalier, raide comme une échelle, grimpa dans sa mansarde, située en face des fenêtres de la chambre d'André, dans un angle des bâtiments. Il vit de là André appeler à l'aide une femme de chambre de Madame de Noailles, qui avait sa chambre dans le même corridor. Mais lorsque cette fille entra dans la chambre d'André, les rideaux de la fenêtre tombèrent comme un voile impénétrable entre les ardents désirs du jeune homme et l'objet de ses idées. Au palais, il ne restait plus que M. de Rohan, redoublant de galanterie auprès de Mme la Dauphine, qui le traitait assez froidement. Le prélat finit par craindre d'être indiscret, d'autant plus qu'il avait déjà vu M. le Dauphin se retirer. Il prit donc congé de son Altesse royale, avec les marques du plus profond et du plus tendre respect. Au moment où il montait en carrosse, une femme de chambre de la Dauphine s'approcha de lui et entra presque dans sa voiture. « Voici, dit-elle. » Et elle lui mit dans la main un petit papier soyeux dont le contact fit frissonner le cardinal. « Voici, répliqua-t-il vivement en mettant dans la main de cette femme une bourse lourde et qui, vide, eût été un salaire honorable. Le cardinal, sans perdre de temps, commanda au cocher de partir pour Paris et de demander de nouveaux ordres à la barrière. Pendant tout le chemin, dans l'obscurité de la voiture, il palpa et baisa comme un amant enivré le contenu de ce papier. Une fois à la barrière. « Rue Saint-Claude, dit-il. » Bientôt après, il traversait la cour mystérieuse et retrouvait ce petit salon où se tenait Fritz, l'introducteur aux silencieuses façons. Balsamo se fit attendre un quart d'heure. Il parut enfin et donna au cardinal, pour cause de son retard, l'heure avancée qui pouvait lui permettre de croire qu'aucune visite ne lui viendrait plus. En effet, il était près de 11 heures du soir. « C'est vrai, monsieur le baron, » dit le cardinal, « et je vous demande pardon de ce dérangement. Mais vous souvenez-vous de m'avoir dit un jour que, pour être assuré de certains secrets, il me fallait les cheveux de la personne dont nous parlions ce jour-là, » interrompit Balsamo, qui avait déjà vu le petit papier aux mains du naïf prélat. « Précisément, monsieur le baron. Et vous m'apportez ces cheveux, monseigneur ? Très bien. Les voici. Croyez-vous qu'il sera possible de les ravoir après l'expérience ? À moins que le feu n'ait été nécessaire, auquel cas ? Sans doute, sans doute, dit le cardinal. Mais alors, je pourrais m'en procurer d'autres. Puis-je avoir une solution ? Aujourd'hui ? Je suis impatient, vous le savez. Il faut d'abord essayer, monseigneur. Balsamo prit les cheveux et monta précipitamment chez Lorenza. « Je vais donc savoir, se disait-il en chemin, le secret de cette monarchie. Je vais donc savoir le dessein caché de Dieu. » Et de l'autre côté de la muraille, avant même d'avoir ouvert la porte mystérieuse, il endormit Lorenza. « Ma Lorenza chérie, lui dit-il en lui mettant le papier dans la main, peux-tu me dire à qui sont ces cheveux ? » Lorenza les prit et les appuya sur sa poitrine, puis contre son front. Quoique ses deux yeux fussent ouverts, c'était par la poitrine et le front qu'elle voyait pendant son sommeil. « Oh ! » dit-elle. « C'est une illustre tête que celle-là qui on les a dérobées. N'est-ce pas ? Une tête heureuse ? Dit. « Elle peut l'être. » « Cherche bien, Lorenza. » « Oui, elle peut l'être. Il n'y a pas d'ombre encore sur sa vie. » « Cependant, elle est mariée. » « Oh ! » fit Lorenza avec un doux sourire. « Eh bien quoi ? Et que veut dire ma Lorenza ? Elle est mariée, cher Balsamo, » ajouta la jeune femme. « Et cependant ? » ?»« Et cependant ? » ?»« Et cependant ?» Lorenza sourit encore. « Moi aussi je suis mariée, » dit-elle. « Sans doute. » »« Et cependant ?» Balsamo regarda Lorenza avec un profond étonnement. Malgré le sommeil de la jeune femme, une pudibonde rougeur s'étendait sur son visage. « Et cependant ?» répéta Balsamo. « Achève !» Elle jeta ses bras autour du cou de Balsamo et cachant sa tête dans sa poitrine. « Et cependant, je suis vierge, » dit-elle. « Et cette femme, cette princesse, cette reine, » s'écria Balsamo, « toute mariée qu'elle est ?»« Cette femme, cette princesse, cette reine, » répéta Lorenza, « elle est aussi pure et aussi vierge que moi. » « Plus pure, plus vierge même. » car elle n'aime pas comme moi. Oh, fatalité, murmura Balsamo. Merci, Lorenza. Je sais tout ce que je voulais savoir. Il l'embrassa, serra précieusement les cheveux dans sa poche, et coupant à Lorenza une petite mèche de ses cheveux noirs, il la brûla aux bougies et en recueillit la cendre dans le papier qui avait enveloppé les cheveux de la dauphine. Alors il redescendit et tout en marchant réveilla la jeune femme. Le prélat, tout ému d'impatience, attendait, doutait. « Eh bien, monsieur le comte, » dit-il. « Eh bien, monseigneur, l'oracle. » « L'oracle a dit que vous pouviez espérer. » « Il a dit cela, » s'écria le prince transporté. « Concluez du moins comme il vous plaira, monseigneur. » L'oracle ayant dit que cette femme n'aimait pas son mari. « Oh !» fit monsieur de Rohan avec un transport de joie. « Quant aux cheveux, » dit Balsamo, il m'a fallu les brûler pour obtenir la révélation par l'essence. En voici les cendres que je vous rends scrupuleusement après les avoir recueillies, comme si chaque parcelle valait un million. Merci, monsieur, merci. Je ne pourrai jamais m'acquitter envers vous. Ne parlons pas de cela, monseigneur. Une seule recommandation. N'allez pas avaler les cendres dans du vin, comme font quelquefois les amoureux. C'est d'une sympathie si dangereuse que votre amour deviendrait incurable, tandis que le cœur de l'amante se refroidirait. « Ah, je n'en regarde !» dit le prélat presque épouvanté. « Adieu, monsieur le comte, adieu !» 20 minutes après, le carrosse de son éminence croisait au coin de la rue des Petits Champs la voiture de monsieur de Richelieu, qu'elle faillit renverser dans un de ces trous énormes creusés par la construction d'une maison. Les deux seigneurs se reconnurent. « Hé, prince !» dit Richelieu avec un sourire. « Hé, duc !» répliqua monsieur Louis de Rohan, avec un doigt sur la bouche. Et ils furent transportés en sens inverse.